17-19. Observation, connaissance et savoir. Révision et extension. Vous ne devez connaître personne à Paris. Robert connaît Mireille, c'est tout. Vous connaissez Madame Courtois? Si je la connais, c'est ma marraine. Je la connais, cette rousse. Jean-Pierre connaît tous les grands couturiers de Paris. Robert ne connaît pas bien Paris. Il vient d'arriver. Mireille connaît Paris. Il y habite depuis longtemps. Je connais ça. Je le connais, ce truc. Pourquoi me demandez-vous ça? Oh, pour savoir. C'est intéressant, vous savez. Oui, je sais. Je sais que c'est intéressant. Tout le monde sait que Tailleur s'écrit avec deux L. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas pourquoi ils manifestent. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si elle fait du russe ou de l'anthropologie. Yvonne ne sait pas jouer au portrait. Tu ne sais pas lire. Marie-Laure sait compter jusqu'à 9999. Non, je ne sais pas le français. Pas encore, mais j'apprends.